Chapitre 17. Punition des méchants. Madame Papowski passa un peignoir, appela ses femmes, qui ne répondirent pas à son appel, ses enfants, qui avaient également disparu, et se décida à aller voir elle-même quelle était la cause du tumulte qu'elle entendait de tous côtés. Dans le premier salon, elle vit une multitude de caisses et de malles. Elle entra dans la salle de billard et vit, avec une surprise mêlée de crainte, plusieurs hommes, parmi lesquels elle reconnut le capitaine Ispravnik. Ils causaient avec animation. En reconnaissant le capitaine Ispravnik, elle ne put retenir un cri d'effroi. Venait-il l'arrêter et l'emmener en prison? Chacun se retourna. Un des hommes s'approcha d'elle, la salua, et lui demanda si elle était bien Maria Petrovna Papowski. « Oui, répondit-elle d'une voix étouffée par l'émotion. « Je suis la nièce du général comte d'Ourakine. »« Je suis le général Negrinski, Maria Petrovna, et je viens, selon le désir de votre oncle, prendre possession de la terre de Gromyline, aujourd'hui, 10 mai. » Madame Papowski, effrayée. « La terre de Gromyline? Mais c'est moi qui... »« C'est moi qui ai acheté la terre de Gromyline, Maria Petrovna. Cette nouvelle paraît vous surprendre. Je l'ai achetée il y a 2 mois. » Et payé comptant 5 millions. L'acte est entre les mains du capitaine Ispravnik, qui devait tenir l'affaire secrète jusqu'à mon arrivée. Je viens aujourd'hui m'y installer, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, et vous prier de retourner chez vous, comme me l'a prescrit le comte d'Ourakine. Madame Papowski voulut parler. Aucun son ne put sortir de ses lèvres décolorées et tremblantes. Elle devint pourpre. Ses veines se gonflèrent d'une manière effrayante. Ses yeux semblaient vouloir sortir de leurs orbites. Le prince Negrinski la regardait avec surprise. Il voulut la rassurer et lui dire un mot de politesse. Mais il n'eut pas le temps d'achever la phrase commencée. Elle poussa un cri terrible et tomba en convulsion sur le parquet. Le prince Negrinski la fit relever et reporter dans sa chambre, où il la fit remettre entre les mains de ses femmes, qu'on avait retrouvées dans la cour avec les enfants. Il continua ses affaires avec le capitaine Ispravnik, qui s'inclinait bassement devant un général aide-de-camp de l'empereur, et il acheva de s'installer paisiblement à Gromyline, à la grande satisfaction des paysans qui avaient eu pendant quelques jours la crainte d'appartenir à Madame Papowski. Il était impossible de faire partir Madame Papowski dans l'état où elle se trouvait. Le prince donna des ordres pour qu'elle et ses enfants ne manquassent de rien. Au bout de quelques jours, le mal avait fait des progrès si rapides que le médecin la déclara à toute extrémité. On fit venir le pope pour lui administrer les derniers sacrements. Quelques heures avant d'expirer, elle demanda à parler au prince Negrinski. Elle lui fit l'aveu de ses odieux projets par rapport à son oncle et à sa sœur, confessa la corruption qu'elle avait cherché à exercer sur le capitaine Ispravnik, raconta la scène qui s'était passée entre elle et lui, et l'accusa d'avoir causé sa mort, en lui ôtant, par ses émotions multipliées, la force de supporter la dernière découverte de la perfidie de son oncle. Elle finit en demandant justice contre son bourreau. Le général prince Negrinski, indigné, lui promit toute satisfaction. Il se rendit immédiatement chez le prince gouverneur, qui l'accompagna à Gromyline. Le gouverneur arriva assez à temps pour recevoir de la bouche de la mourante la confirmation du récit du prince Negrinski. Le prince Ispravnik fut arrêté, mis en prison. On trouva dans ses papiers l'obligation de 200 000 roubles. Il fut condamné à être dégradé et à passer 10 ans dans les mines de Sibérie. Ainsi finit Madame Papowski. Un acte de vengeance fut le dernier signal de son existence. Ses enfants furent ramenés chez eux, où les attendait leur père. Madame Papowski ne fut regrettée de personne. Sa mort fut l'heure de la délivrance pour ses enfants, comme pour ses malheureux domestiques et paysans.